Scène 3. Père Ubu, Mère Ubu, Capitaine Bordure et ses partisans. Bonjour, messieurs. Nous vous attendons avec impatience. Asseyez-vous. Bonjour, madame. Mais où est donc le père Ubu ? Me voilà ! Me voilà, sapristi, de par ma chandelle verte, je suis pourtant assez gros. Bonjour, père Ubu. Asseyez-vous, mes hommes. Ils s'asseyent tous. Un peu plus, j'enfonçais ma chaise. Hé, hey, Mère Ubu, que nous donnez-vous de bon aujourd'hui ? Voici le menu. Ah, ceci m'intéresse. Soupe polonaise, côte de rastron, veau, poulet, pâté de chien, croupion de dinde, charlotte russe. Assez, je suppose. Quoi, y en a-t-il encore ? Bombe, salade, fruits, dessert, bouillie, topinambour, chou-fleur à la berdre. Ah, même crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles dépenses ? Ne l'écoutez pas, il est imbécile. Ah, je vais aiguiser mes dents contre vos mollets. Dîne plutôt, Père Ubu. Voilà de la polonaise. Oh ! Bougre, que c'est mauvais. Ce n'est pas bon, en effet.